Je voudrais jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Je voudrais jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Je voudrais jouer à la Game Boy avec une Game Boy. Nous voudrions jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Vous voudriez jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Ils veulent tu jouer à la Game Boy, oui, avec la Game Boy. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur Game Boy dans les mains? Est-ce qu'il faut que je m'en achète une histoire de les rejoindre? Mais où? Dans la Game Boy. La Game Boy c'est un appareil pas plus grand que sa monnaie. Y'a des jeux comme Mario, Zelda, dernièrement la trompette. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur Game Boy dans les mains? Est-ce qu'il faut que je m'en achète une histoire de les rejoindre? Mais où? Dans la Game Boy. Je voudrais jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Tu voudrais jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Je voudrais jouer à la Game Boy avec une Game Boy. Nous voudrions jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Vous voudriez jouer à la Game Boy, à la Game Boy, la Game Boy. Ils veulent tous jouer à la Game Boy, oh oui, avec la Game Boy. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur Game Boy dans les mains? Est-ce qu'il faut que je m'en achète une histoire de les rejoindre? Dans la Game Boy. La Game Boy c'est un appareil pas plus grand que la mettre. Y'a des jeux comme Mario, Zelda, dernièrement la trompette. Tous avec leur Game Boy dans les mains. Est-ce qu'il faut que je m'en achète une histoire de les rejoindre? Mais dans la Game Boy.